Chapitre 276. L'interdiction de la tricherie et de la tromperie. Allah Ta'ala dit: Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Sourate 33, verset 58. 1579. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Celui qui prend les armes contre nous n'est pas des nôtres, ainsi que celui qui nous trompe. Muslim. D'après une autre version de Muslim, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passa à côté d'un tas de grains. Il y introduisit la main et ses doigts en ressortirent humides. Il dit au vendeur: Que signifie cela? Il répondit: Ô messager d'Allah, la pluie l'a mouillé. Il dit, alayhi salatu wassalam, pourquoi ne l'as-tu pas placé, la partie mouillée, sur le tas, afin que les gens puissent la voir? Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. 1580. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Ne faites pas monter artificiellement les enchères ou les prix au détriment des autres acheteurs. 1581. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit de faire monter artificiellement les enchères ou les prix au détriment des autres acheteurs. Al-Bukhari et Muslim. 1582. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, un homme se plaignit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, que les gens le trompaient dans ses relations commerciales. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: Dis à celui avec lequel tu t'engages dans une transaction, pas de tromperie. Al-Bukhari et Muslim. 1583. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Celui qui monte une femme contre son mari, ou un esclave contre son maître, n'est pas des nôtres. Abu Daoud.